Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, c'est Lost in Space sur les ondes du 100 FM de Radioactive, votre rendez-vous rock punk et aujourd'hui particulièrement punk, car l'on va avoir une thématique sur un splendide groupe américain qui s'appelle The Jesus Lizard, un groupe qui date des années 90, qui est parfois même à la limite du bruitiste et du... C'est pas du punk traditionnel, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, il y a des choses un peu tordues, diverses et variées, et on va avoir donc une grande sélection à ce sujet. On va écouter donc du Jesus Lizard, Lightning Bolt, Shellac, Scratch Acid et tout un tas de choses dans ce genre. C'est donc parti pour ce dimanche soir que j'espère en bonne compagnie. Allez, go! Yeah. Le mot japonais correspondant à moderne est Kindai, qui signifie littéralement dynastie, époque, proche. Voisin donc de modo, récemment l'adverbe latin dont dérive modernus. C'est un mot qui se retrouve dans les textes anciens de la Chine et du Japon, avec ce sens littéral de proximité temporelle. Il a encore ce sens quand l'ère Meiji commence à être qualifié de Kindai à la fin du 19e siècle. Il acquiert un contenu conceptuel dans les années 1920-1930 avec la publication d'ouvrages marxistes qui situent la modernisation japonaise à l'ère Meiji selon le critère matérialiste historique du développement du capitalisme depuis l'ouverture du pays en 1854 sous la pression des puissances occidentales. Number TG211 CD. Audio compact disc. 44.1 kHz sample rate. 16-bit word length. Samples represented in 2's complement binary. 8 to 14 expansion. Set reproducer for reference level. 1000 Hz. To the one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote, not the first, but the others, were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly, by disease or a blow, to the base of her neck, where her necklaces close. Where her garments come together, where I used to lay my face, that's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him, I don't care if it hurts. Yes, I do, I wanted to fucking kill him, but first make him particular woman. Let him hold out, hold back, someone or other might come and fucking kill him, kill him already, kill him, fucking kill him, kill him already, kill him, fucking kill him, fucking kill him, kill him already, kill him, just fucking kill him. fucking kill him. Kill him, just fucking kill him. Kill him already, kill him already, kill him. Amen. J'ai donc entrepris de décrire des relations de coexistence entre des énoncés. J'ai pris soin de ne tenir compte d'aucune de ces unités qui pouvaient en être proposées et que la tradition mettait à ma disposition, que ce soit l'œuvre d'un auteur, la cohésion d'une époque, l'évolution d'une science. Je m'en suis tenu à la seule présence des événements voisins de mon propre discours, certain d'avoir affaire à un ensemble cohérent désormais si je parvenais à décrire entre eux un système de relations. We'll be right back. Yeah. ces altérations qui nous font peut-être sortir aujourd'hui de la médecine clinique se sont déposées lentement au cours du 19e siècle à l'intérieur du discours clinique et dans l'espace qu'il dessinait. Si on voulait définir ce discours par une forme codifiée d'énonciation, par exemple, description d'un certain nombre d'éléments déterminés sur la surface du corps et inspectés par l'œil, l'oreille et les doigts du médecin, identification des unités signalétiques et des signes complexes, estimation de leur signification probable, prescription de la thérapeutique correspondante, il faudrait reconnaître que la médecine clinique s'est défaite aussitôt qu'elle est apparue et qu'elle n'a guère trouvé à se formuler que chez Bichat et Laennec. En fait, l'unité du discours clinique, ce n'est pas une forme déterminée d'énoncé, mais l'ensemble des règles qui ont rendu simultanément ou successivement possible des descriptions purement perceptives, mais aussi des observations médiatisées par des instruments, des protocoles d'expérience de laboratoire, des calculs statistiques, des constatations épidémiologiques ou démographiques, des règlements institutionnels, des décisions politiques. Tout cet ensemble ne peut pas obéir à un modèle uniquement d'enchaînement linéaire. Il s'agit d'un groupe d'énonciations diverses qui sont loin d'obéir aux mêmes règles formelles, loin d'avoir les mêmes exigences de validation, loin de maintenir un rapport constant à la vérité, loin d'avoir la même fonction opératoire. Ce qu'on doit caractériser comme médecine clinique, c'est la coexistence de ces énoncés dispersés et hétérogènes. C'est le système qui régit leur répartition, l'appui qu'ils prennent les uns sur les autres, la manière dont ils s'impliquent ou s'excluent, la transformation qu'ils subissent, le jeu de leur relève, de leur disposition et de leur remplacement. On peut bien faire coïncider dans le temps l'apparition du discours avec l'introduction en médecine d'un type privilégié d'énonciation. Mais celui-ci n'a pas un rôle constituant ou normatif. En deçà de ce phénomène et tout autour de lui se déploie un ensemble de formes énonciatives diverses. Et c'est la règle générale de ce déploiement qui constitue, dans son individualité, le discours clinique. La règle de formation de ces énoncés dans leur hétérogénéité, dans leur impossibilité même à s'intégrer en une seule chaîne syntactique, c'est ce que j'appellerais l'écart énonciatif. Et je dirais que la médecine clinique se caractérise comme ensemble discursif individualisé par l'écart ou la loi de dispersion qui régit la diversité de ces énoncés. We'll be right back. Oh, I hope I miss no foreign girl. D'accord, admettons. Admettons que l'armée embauche, très astucieusement, des profils crédules et dynamiques de chasseurs. Admettons qu'Aguero, Ner, Saskia et la trentaine de recrues que j'ai côtoyées 2 ans en récif soient des naïfs mentalement réceptifs à un imaginaire de fuite. Tous. Beaucoup finissent à l'asile, si tu veux savoir. Ça peut confirmer tes intuitions. Admettons qu'il m'ait mis une sculpture de céramique dans les mains après une épilepsie provoquée lors de mon épreuve de diplôme. Admettons que soient fabriquées toutes les vidéos que j'ai vues. L'armée a les moyens financiers et techniques de faire ça sans problème. Admettons que Tony Tufu se soit inventé 16 glyphes, que la voix de Tishka que j'ai entendue au Cosmondo soit une pure hallucination, et que Saskia m'ait aussi fait écouter une comptine de fête des pères reconstituée avec des traces numériques de la voix de notre fille. Ce serait le comble de la perversion, ça ferait de Saskia un monstre, mais admettons. Admettons que le baliant de l'île balinaise du Javodou, que tu connais, qui te connaît, triche aussi. Ce que je ne pourrais jamais croire, moi. Admettons que les cris, les rythmes, les frissons que j'ai appris à reconnaître dans les sites abandonnés ne soient rien d'autre que la beauté de la nature quand on l'écoute enfin. Je ne te convaincrai pas, Sahar, en empilant dans cette tente la centaine d'indices et de confirmations que j'ai cumulées ces 2 dernières années. Tu les rapporteras toujours à ce système de cohérence que je me suis bâti, selon toi. Et bâti avec d'autres, civils ou militaires, notre délire collectif. Alors je vais juste te demander une chose, une dernière chose. Si ça ne te convainc pas, nous arrêterons définitivement de parler du furtif. Je ne les évoquerai plus jamais de ma vie devant toi. Je crois que les structuralistes n'ont jamais attaqué les historiens. Mais un certain historicisme, une certaine réaction et méfiance historiciste auxquelles leurs travaux se sont heurtés. Devant l'analyse structurale, un certain nombre de penseurs traditionnels ont été effrayés. Non pas, certes, parce qu'on se mettait à analyser des rapports formels entre des éléments indifférents. Il y avait longtemps que cela se faisait. Il n'y avait pas de raison d'avoir la frousse. Mais ils sentaient très bien que ce qui était en question, c'était le statut même du sujet. S'il est vrai que le langage ou l'inconscient peuvent s'analyser en termes de structure, alors qu'en est-il de ce fameux sujet parlant, de cet homme qui est censé mettre en œuvre le langage, le parler, le transformer, le faire vivre? Qu'en est-il de cet homme qui est censé avoir un inconscient, pouvoir prendre conscience de cet inconscient, pouvoir le reprendre en charge et faire de son destin une histoire? Et je crois que la hargne, ou en tout cas la mauvaise grâce que le structuralisme a suscité chez ces traditionalistes, était liée au fait qu'ils sentaient remis en question le statut du sujet. Bonne surprise, le bot-bar du loft n'avait pas encore été complètement pillé. Nous avons pris place dans une saloperie de fauteuils en veau authentique et nous avons trinqué. L'assaut nous avait bien secoué, il fallait le dire, et j'étais pas peu heureuse d'avoir une heure devant moi dans un salon cosy, bien abrité du tumulte. De surcroît, j'avoue, j'étais plus qu'archi-curieuse de découvrir la femme qui avait tant et si bien retourné le cœur de mon petit Lorcal qu'il ne lui était même pas imaginable d'envisager une vie sentimentale après elle. D'emblée, j'étais bien calmé. Pas que ce fût une bombe, non, elle était fine, pas beaucoup de forme, taille moyenne, visage ovale. Rien d'extraordinaire au premier abord, si ce n'est qu'elle était foutument bourrée de charme. En sus d'avoir une voix splendide. À peine commençait-elle à parler que tu te prenais à te poser, à la regarder bouger et à l'écouter. Et tu te sentais tout de suite bien en sa présence. Si j'avais dû la comparer à un animal, j'aurais dit un lynx ou un serval. Le genre de bête que tu peux contempler des heures à la jumelle sans te lasser, voire se lécher les pattes ou dormir tellement ça te délasse. We'll be right back. Mon titre, Les mots et les choses, était parfaitement ironique. Personne ne l'a vu clairement, et c'était sans doute qu'il n'y avait pas assez de jeu dans mon texte, que l'ironie n'était pas suffisamment visible. Il y a un problème. Comment peut-il se faire que des choses réelles et perçues puissent venir s'articuler par des mots à l'intérieur d'un discours ? Est-ce que ce sont les mots qui nous imposent le découpage en choses, ou est-ce que ce sont les choses qui, par quelque opération du sujet, viendraient à se transcrire à la surface des mots ? Ce n'est pas du tout ce vieux problème que j'ai voulu traiter dans les mots et les choses, j'ai voulu le déplacer. Analyser les discours eux-mêmes, c'est-à-dire ces pratiques discursives qui sont intermédiaires entre les mots et les choses. Ces pratiques discursives à partir desquelles on peut définir ce que sont les choses et repérer l'usage des mots. Prenons un exemple très simple. Au XVIIe siècle, les naturalistes ont multiplié les descriptions de plantes et d'animaux. On peut faire l'histoire de ces descriptions de deux manières. Ou bien en partant des choses et en disant « les animaux étant ce qu'ils sont, les plantes étant telles que nous les voyons, comment est-ce que les gens du XVIIe et du XVIIIe siècle les ont vus et décrits ? Qu'est-ce qu'ils ont observé ? Qu'est-ce qu'ils ont omis ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu ? » On peut faire l'analyse en sens inverse, établir le champ sémantique du XVIIe et du XVIIIe siècle, voir de quels mots et par conséquent de quels concepts on disposait alors, quelles étaient les règles d'utilisation de ces mots, et à partir de là, voir quelles grilles, quel quadrillage on posait sur l'ensemble des plantes et des animaux. Ce sont les deux analyses traditionnelles. J'étais bien. Pour la première fois depuis un bon bout de temps, bien. Mes cuisses s'étaient fondues dans mon short et mes pieds épousaient mes sandales. Mon torse respirait dans un maillot tellement de fois lavé que son vert s'aquarellait dans le paysage, se fondait dans les couleurs du groupe, y apportait sa touche. Ici, je n'avais plus qu'à être ce que j'étais. Ce que je fus si longtemps avant le choc de l'armée. L'orca le liant, l'orca l'ouvert, celui qui sourit et circule au milieu des autres avec une disponibilité d'éponge. Un type loin, bien loin du chasseur aux cheveux courts, au visage rasé et à la tenue nette et sans plis. Je l'avoue, je n'étais pas mécontent que Saskia et Agüero découvrent ce type-là, enfin. Yeah! about a week long old. I'm homosexual gangster man. We'll be right back. À ce thème majeur, plusieurs autres sont liés. Celui d'une activité constituante qui assurerait, par une série d'opérations fondamentales, antérieures à tous les gestes explicites, à toutes les manipulations concrètes, à tous les contenus donnés, l'unité entre une science définie par un système de réquisites formels et un monde défini comme horizon de toutes les expériences possibles. Celui d'un sujet qui assure, dans son unité réflexive, la synthèse entre la diversité successive du donné et l'idéalité qui se profile, dans son identité à travers le temps. Enfin et surtout le grand thème historico-transcendantal qui a traversé le 19e siècle et s'épuise à peine encore aujourd'hui dans la répétition inlassable de ces deux questions. Quelle doit être l'histoire? De quel projet absolument archaïque faut-il qu'elle soit traversée? Quel télos fondamental l'a établi dès son premier moment? Ou plutôt dès ce qui a ouvert la possibilité de ce premier moment, et la dirige dans l'ombre vers une fin déjà détenue, pour que la vérité s'y fasse jour ou qu'elle reconnaisse, dans cette clarté toujours reculée, le retour de ce que l'origine déjà avait occulté. Et aussitôt, l'autre question se formule, quelle doit être cette vérité ou peut-être cette ouverture plus qu'originaire pour que l'histoire s'y déploie, non sans la recouvrir, la cacher, l'enfoncer dans un oubli dont cette histoire toutefois porte la répétition, le rappel, donc la mémoire jamais accomplie. On peut bien faire tout ce qu'on voudra pour rendre ces questions aussi radicales que possible, elles demeurent liées, malgré toutes les tentatives pour l'en arracher, à une analytique du sujet et à une problématique de la connaissance. Thank you. En 2050, la population mondiale atteindra 8 milliards d'individus. Une croissance qui sera inégalement répartie. Si le vieillissement touche toute la planète, la population jeune sera plutôt concentrée hors d'Europe. L'espérance de vie augmente partout, à l'exception de l'Afrique subsaharienne, et ressemble de moins en moins à une pyramide. La part des personnes âgées augmente de façon rapide et très importante. Et cette transformation de la pyramide des âges est encore plus accentuée dans le reste de l'Europe qu'en France. We'll be right back. Dans la chambre de Noémie, ça sent le renfermé. Un relent de moisissure et une odeur moite. J'ai deux déshumidificateurs, mais ça ne change rien, explique la jeune fille. Ma fenêtre part en lambeaux et tout est humide tout le temps. Sur son mur, une affiche photocopiée manie l'ironie. Concours photo de la résidence la plus pourrie. Cadeau, une boîte de chocolat. De quoi faire rire jaune. Thank you. some kind of metaphor. Goddamn, this is real! Chavin était issu d'une longue lignée de militaires et même de chevaliers lorsqu'on remontait suffisamment haut dans son arbre. Ses aïeux avaient fait la campagne de Russie. Son arrière-arrière-grand-père avait traversé la Bérézina sur un bloc de glace. S'enorgueillissait la légende familiale, il en avait profité pour épouser une paysanne dans l'éternité du retour en France. Arshavin avait hérité de suffisamment d'argent pour ne jamais s'en soucier. Plutôt que de le convertir en biens de consommation, en actifs financiers ou en propriété foncière, il avait choisi de s'entourer de Sherpas et de vivre en sobre seigneur chez lui, avec sa femme et ses trois filles, parmi une communauté qui comptait deux paysagistes, un maçon, des cultivateurs, des factotums et même quelques artistes auxquels il mettait à disposition des ateliers et des folies dans les bois entourant la Bastide. Je devinais que Sar n'aimerait pas ça, cette noblesse à l'ancienne et ses manières de châtelain. Alors que pour ma part, je trouvais finalement plus digne de faire vivre des gens ici, dans un cadre où ils s'épanouissaient, que d'alimenter l'exploitation vitrée du post-management. Yeah. S'il est vrai, comme l'a dit l'évêque irlandais Berkeley, qu'être, c'est être perçu, est-il possible d'échapper à la perception ? Comment devenir imperceptible ?